À la fin, le mec, il se lâche à fond. J'arrive à en faire un tout petit peu. C'est quoi celle-là? C'est Gary? C'est Gary?